Profitez-en quelques instants encore, tant que pour vous le monde est simple, organisé, classifié en catégories faciles à se représenter. Le règne animal d'un côté, le règne végétal de l'autre et les champignons quelque part autour. Voilà, c'est terminé, parce que la classification du vivant s'est extraordinairement complexifiée ces dernières années et que ces termes-là n'ont aujourd'hui en taxonomie presque plus aucun sens. Les règnes s'est dépassé, c'est has-been, bienvenue dans un monde à plus complexe, à 7 règnes, dont il est difficile, voire impossible de comprendre qui procède de qui et où va où. C'est au grand casse-tête de la cladistique moderne auquel nous vous invitons aujourd'hui. La fin d'un règne, c'est le programme inextricable qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tâcher de comprendre cette organisation du vivant et de redessiner l'arbre familial de façon plus précise et donc autrement plus complexe, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marc-André Sellos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, professeur à l'Université de Gdansk et de Kunming en Chine, auteur de « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations », c'est aux éditions Actes Sud. Et bonjour Romain Nattier. Bonjour. Vous êtes maître de conférence également au Muséum National d'Histoire Naturelle, chercheur au sein du laboratoire de systématique, évolution et biodiversité. Vous pouvez suivre cette émission via votre méthode d'écoute favorite, en direct sur les ondes de France Culture, en replay sur franceculture.fr ou en podcast sur l'application que vous chérissez le plus, mais comme toujours, eh bien, en complément d'informations via notre fil Twitter @laméthodefc. Ça va être important aujourd'hui pour revoir, pour redéfinir cet arbre du vivant que vous allez l'entendre, qui est bien plus et nettement plus complexe que ce que vous imaginiez jusqu'à présent. Donc commençons d'ailleurs par là, Marc-André Sellos. Ça veut dire qu'il faut tout jeter, animal, végétal, champignon, ça n'a plus de sens? Comme tout produit de l'activité scientifique, c'est un produit mouvant, c'est-à-dire qu'il change. Bon, la classification a changé depuis l'Antiquité, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui elle change un peu plus vite sous l'effet d'outils nouveaux, notamment l'utilisation de l'ADN pour retrouver des ressemblances, des parentés entre organismes, et puis aussi sous l'effet d'une recherche active. Et ça, c'est une chose intéressante, c'est qu'on a de nouveau des scientifiques qui se mettent à étudier des groupes un peu bizarres, un peu tordus, qui étaient un petit peu laissés de côté. On a une vraie renaissance de l'intérêt pour tout un tas de groupes, voire même, grâce à l'ADN toujours, la découverte de nouveaux groupes. Pourtant, quand on regarde comme ça d'un peu loin, avec un regard un peu hypermétrope, disons, on a l'impression, Romain Nattier, que c'est assez simple. Le végétal, c'est photosynthèse immobile. L'animal, c'est hétérotrophie mobile. Et puis le champignon, c'est comme un végétal, mais sans la photosynthèse. Ça a l'air d'être des catégories assez simples à manipuler et assez opérantes, en tout cas. En tout cas, effectivement, ça a l'air simple, mais parce qu'on le regarde d'un point de vue humain. Donc on a une vision très anthropocentrée de la nature. Effectivement, pour un humain, tout ce qui lui ressemble le plus sont des animaux, et on va dire tout ce qui est vert, qui fait la photosynthèse, c'est des végétaux. Quand on s'éloigne un petit peu justement des êtres humains vers des, Marc-André l'a dit, des nouvelles découvertes, de nouveaux organismes, des choses très petites, ce qu'on appelait avant les microbes justement, on se rend compte que là, la situation est beaucoup plus contrastée et donc de fait, elle devient très intéressante et nous apporte des informations sur l'évolution et donc sur la classification du vivant. À partir de quand ces lignes telles qu'on les connaît ou telles qu'elles sont restées dans l'esprit collectif ont commencé à bouger pour les scientifiques, Marc-André Sellos? C'est-à-dire qu'elle bougeait pas au début, surtout parce qu'on voulait pas regarder la réelle complexité du monde. On a commencé à la voir, cette complexité, quand on est passé dans le microscopique. Parce qu'autant, comme disait Romain, le végétal ou l'animal, dans le macroscopique, il n'y a pas photo, c'est l'essentiel de ce qu'on voit, et c'est bien distinct. Autant, quand on va dans le microscopique, c'est bizarre. Allez, je vous y emmène deux secondes. Mmh. Par exemple, vous avez un organisme qui capture des proies. C'est une petite cellule, c'est une petite paramécie, hein, qui avale des petites bactéries, des petites algues dans le milieu pour se nourrir. Puis certains individus n'ont pas digéré leur algue, et de cette indigestion est né le fait qu'ils ont à l'intérieur quelque chose qui est vert et qui les nourrit des produits de sa photosynthèse, animal ou végétal. Autre exemple, une petite algue qui flotte dans le plancton. Cette petite algue fait la photosynthèse au soleil, et là s'approche une bactérie et hop, elle l'avale. Ça lui fait un complément d'azote, de phosphate, et puis au passage, tous les sucres qu'il y a dans cette bactérie, elle va les consommer. Je les mets où, ces choses-là? C'est des végétaux, des animaux? En fait, dans le microscopique, les limites sont plus complexes. Et dès qu'on a commencé à regarder dans le microscopique, on a cessé de voir des catégories aussi simples. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut se départir complètement de la notion de règne. Ça n'a plus de sens en phylogénétique ou en taxonomie moderne, Romain Nattier ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, effectivement, on s'intéresse plutôt à ce qu'on appelle les domaines du vivant. On abandonne peut-être progressivement le terme de règne. Et dans les domaines vivants, classiquement, donc, on retrouve les eucaryotes, donc les organismes qui ont un vrai noyau, et les eubactéries, les vraies bactéries justement, et un groupe qui a été longtemps méconnu et dont on a démontré l'originalité et surtout l'uniformité, d'un point de vue moléculaire en tout cas, les archébactéries. Donc on aurait trois grands domaines du vivant, les eucaryotes, les eubactéries et les archébactéries. Et je vais juste rebondir sur un point qu'a dit Marc-André, il y a aussi autour de ça des changements de conception de la classification et de la nature. Certes, on a eu accès, au travers d'outils microscopiques, à une observation de fines vivants. Certes, on a eu accès à des nouvelles données, par exemple des données moléculaires. Mais actuellement, on est dans une période où on classe en fonction de ce qui rassemble les organismes et non pas de ce qu'ils ont de différent. C'est ce qu'on appelle la cladistique, sur le fait qu'ils partagent des caractères hérités d'un ancêtre commun. Et donc, cet aspect-là, cet nouvel aspect de classification, qui date quand même d'il y a 30-40 ans, combiné à des approches à la fois moléculaires et des approches d'observation, ont permis de redéfinir ces trois grands domaines du vivant. Et déjà, ces trois grands domaines du vivant, moi qui ne suis pourtant qui n'ai pas fait mes études il y a si longtemps que ça, moi on m'avait appris qu'il y avait procaryote, eucaryote, que c'était simple comme ça, qu'il y avait deux branches. Maintenant, il y en a trois, Marc-André Sellos. Alors oui, procaryote, eucaryote, c'était déjà un premier progrès. On le fait remonter aux années 20 et aux travaux d'Édouard Chaton, un scientifique français qui avait vu ça avec des méthodes de microscopie électronique ou pré-électronique, on va dire. Ça va vraiment prendre corps dans les années 60, mais dans ces procaryotes, comme le dit Romain, on va ensuite, quand on les étudie au niveau de leur ADN, découvrir qu'il y a deux grands groupes. Alors les procaryotes, c'est ceux dont la matière génétique est dans la cellule, librement. Il n'y a pas de noyau. Ça s'oppose au noyau, voilà, qui lui est la caractéristique des eucaryotes. Eux, vrai carion, carios, le noyau ou le nœud. Là, l'ADN est pris dans un noyau et protégé dans un noyau à l'intérieur de la cellule. Mais dans les procaryotes, on découvre qu'en fait, il y a deux groupes qui sont donc les eubactéries et les archées. Les archées sont plus près sur certains caractères ADN, semblent plus près des eucaryotes. On va revenir là sur ça, parce que vous allez voir qu'effectivement, c'est encore plus compliqué que ça. Quand on cherche en fait cette notion de règne aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on trouve pas les trois dont vous me parlez, mais qu'on peut éventuellement monter à sept? Sept règnes, ça a un sens, Romain Nattier? En fait, tout dépend ce qu'on qualifie de règne. Si on qualifie de règne, c'est juste une catégorie de la classification. Et en classification moderne, comme une classification phylogénétique, qui regroupe donc des groupes monophylétiques qui partagent donc des caractères hérités d'un ancêtre commun, après on peut obtenir davantage de subdivisions. Par exemple, au sein des eucaryotes, on a plusieurs autres types de catégories, etc., etc. Alors justement, en fait, quand on regarde la généalogie du vivant, puisque c'est de ça dont on parle, puisqu'on fait des groupes qui ont un ancêtre commun, ça dérive d'une généalogie du vivant. Quand vous regardez l'arbre généalogique du vivant, il est fait de divisions à tous les niveaux. Un ancêtre donne deux espèces, sans compter tous ceux qui disparaissent, et donc il est fractal. C'est-à-dire qu'à toutes les échelles, on a la même chose. Et vouloir faire des grands groupes, c'est vouloir rendre discontinu quelque chose qui est essentiellement continu. Autant au niveau de la famille, de l'ordre ou du genre, c'est des choses qui sont relativement pratiques, autant au degré supérieur, en tout cas c'est mon avis, ça tend à être moins intéressant. Et si vous voulez que les plantes qui vous entourent et les animaux qui vous entourent soient deux groupes, eh bien, ne serait-ce qu'au sein des eucaryotes, vous vous retrouvez avec une bonne trentaine de groupes de même importance, c'est-à-dire de même ancienneté, c'est-à-dire dont l'ancêtre est aussi ancien, et éventuellement de même diversité numérique d'espèces. Donc là, ça commence à en faire un paquet. Ce que veut me dire Marc-André Sellos, c'est que finalement, cette volonté de classification, d'organisation du vivant, c'est une volonté, vous le disiez, Romain Nattier, très anthropocentré. Il y a un domaine où c'est opérant parce que on est sur de la distinction d'espèces ou sur de la cladistique. Au contraire, de voir ce qui rejoint ces espèces. Quand on veut monter, faire des trop grands groupes, ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui en phylogénétique moderne. Non, la classification a du sens. Je pense pas c'est exactement ce que Marc-André voulait dire. Mais le fait de nommer des grands ensembles, finalement, quand on nomme des grands ensembles, règnes ou autres, on les met sur un certain pied d'égalité. Or, ça sous-entend une diversité structurale, une diversité spécifique, une diversité écologique qui est énormément différentes. Et donc là, c'est là où ça pose problème et c'est difficile de les utiliser. Mais par contre, il est important de classer pour s'y retrouver et pour étudier l'évolution, effectivement. Clairement. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10, nous parlons donc de classification du vivant et de ses anciennes conceptions de règne telles que nous les avions tous à l'esprit, qui ne sont plus tout à fait opérantes aujourd'hui. Peut-être pour remonter justement bien tout à la source, au tronc commun de cet arbre phylogénétique du vivant, pour comprendre comment les choses s'organisent, il faut peut-être d'abord... Quelles sont les premières notions qu'il faut maîtriser, Marc-André Sellos? Est-ce qu'il faut parler tout de suite d'endosymbiose, d'autotrophie, d'hétérotrophie? Est-ce que c'est ça les grandes premières branches de distinction? Quelles seraient celles qui vous semblent les plus importantes? C'est malheureusement plus complexe. Je pense qu'il faut comprendre l'évolution. L'évolution, elle est faite de deux grandes tendances. Au cours du temps, à partir d'un ancêtre commun, des organismes vont changer et accumuler de la différence. Mais aussi, dans certains cas, des organismes vont utiliser ce temps pour se ressembler. Je m'explique. S'ils vivent dans des conditions semblables, ils vont, par sélection naturelle, faire émerger des ressemblances. Et du coup, cela veut dire que le fait de se ressembler, il peut être dû au fait qu'effectivement on est proches parents, mais ça peut aussi être simplement dû au fait qu'on vit au même endroit. Reprenons les algues qui flottent dans le plancton, les algues unicellulaires qui flottent dans le plancton. Il y a là une bonne demi-douzaine de groupes qui n'ont absolument rien à voir entre eux en termes de parenté, mais à chaque fois, c'est des cellules qui ont en moyen plus ou moins d'essayer de remonter vers la lumière, qui ont de la chlorophylle à l'intérieur de ces structures qu'on appelle les plastes et qui fabriquent l'essentiel de leur alimentation par le biais de la photosynthèse. Mais la ressemblance est secondaire. Et si vous prenez les algues comme groupe, alors c'est un groupe écologique. Oui, là c'est clair, ça fonctionne pareil. Si vous les prenez d'un point de vue évolutif, c'est pas du tout un groupe pour les phylogénies, c'est-à-dire les classifications évolutives que mentionnait Romain. C'est bien au contraire un groupe polyphylétique, comme on dit, c'est-à-dire un ramassis de plusieurs lignées indépendantes. Et ça, c'est pas reçu en classification. Par contre, en écologie, ça a un sens. Donc, c'est toujours reçu en écologie. Il faut bien, et vous faites bien de le préciser, dire qu'on parle de classification aujourd'hui et qu'il y a une distinction entre parler d'un groupe écologique qui a une unité, une cohérence, et ce qu'en dit aujourd'hui le travail que vous effectuez, c'est-à-dire la phylogénétique, ça n'est pas la même chose, Romain Nattier. Oui, non, tout à fait. Bah, alors, juste pour reprendre ce qu'a dit Marc-André, également, l'autre groupe connu, classique, c'est les champignons. Ce qu'on appelle champignons, c'est des organismes hétérotrophes qui sont plus ou moins filamenteux avec des hyphes. Alors on trouve les champignons vrais qu'on consomme. On va redire autotrophes, hétérotrophes en un mot. Allez-y, je vous laisse le faire. Oui, alors l'hétérotrophie, c'est qu'on tire son énergie, on la transforme à partir de molécules déjà carbonées. Et l'autotrophie, en règle générale, on utilise de l'énergie lumineuse que l'on transforme en énergie chimique. C'est la photosynthèse, pour dire ça rapidement. C'est la photosynthèse en fait partie. Et donc les champignons sont également un exemple de groupe polyphylétique, dit groupe écologique, qui n'a pas sa place effectivement en classification, mais qui est très intéressant à étudier. On y reviendra tout à l'heure, quand on rentrera un peu plus près du côté des eucaryotes. J'aimerais qu'on reste encore un peu en amont de cette subdivision. Ce qui est intéressant dans cette différence entre autotrophie et hétérotrophie, c'est que ce sont deux façons qu'ont trouvé à un moment donné les cellules pour se nourrir, pour survivre à partir d'une certaine forme d'énergie, d'une énergie chimique ou d'une énergie lumineuse, Marc-André Sellos. Oui, alors en fait, la réalité est encore plus complexe parce que quand on va dans les bactéries, il y a d'autres modes de vie encore. Il y a cette fameuse chimiolithotrophie qui, en nuit, la plupart des étudiants et des enseignants, parce qu'elle n'est pas intuitive du tout, c'est une propriété qu'on trouve que dans des bactéries, qui jouent sur des phénomènes d'oxydoréduction, c'est-à-dire qu'ils prennent une molécule oxydante et une molécule réduite du milieu, par exemple du méthane et de l'oxygène, ou du fer ferreux et de l'oxygène, et qui, en les faisant réagir, libèrent l'énergie nécessaire à faire leur matière organique. C'est-à-dire c'est l'équivalent de la photosynthèse, sauf que l'énergie ne vient pas de la lumière, mais de réactions chimiques minérales. Et cette chimiolithotrophie s'ajoute à la photosynthèse pour donner les deux formes d'autotrophie que l'on connaît. Et puis par ailleurs, il y a ceux qui utilisent la matière organique fabriquée par d'autres, ce sont les hétérotrophes, comme nous-mêmes. Donc là encore, on voit qu'il y a un des types de nutrition qui manque dans le macroscopique. Puisque, sauf quand on est très attentif, et on peut y arriver, mais sauf quand on est très attentif, on ne voit que la photosynthèse et l'hétérotrophie autour de nous, dans le macroscopique. Et que comment ce qui est intéressant, c'est que il y a un moment, il y a une division qui est intéressante, et vous le dites vous-même, Marc-André Sellos, c'est la façon dont les cellules, pour se procurer de l'énergie, ont eu recours à l'endosymbiose, c'est-à-dire comment finalement différentes formes de vie se sont réunies. Et ça a été un moteur d'évolution extrêmement puissant, et peut-être même l'un des premiers, si ce n'est le moteur essentiel à cette époque-là de l'apparition du vivant. Alors, c'est surtout pour les eucaryotes que ça va jouer. Mmh. Et ce groupe-là a la capacité d'avaler des objets, et notamment des cellules. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec ma petite paramécie qui flottait, qui avalait des proies. Et puis un jour, il y a une proie qu'elle n'a pas digérée. C'est devenu quelque chose qui est à l'intérieur d'elle, qui s'y multiplie, qui est donc héritable de génération en génération, et c'est devenu un composant ordinaire de la cellule. En fait, dans l'évolution, il y a toujours deux moyens d'innover. Le premier, c'est par mutation et par l'apparition de façon complètement autonome de propriétés. Après tout, les premiers organismes photosynthétiques ont inventé la photosynthèse par leur évolution propre. Bon. La deuxième façon, c'est tout simplement d'employer quelqu'un qui sait faire. Et ça, les eucaryotes sont très forts là-dessus, avec cette capacité d'internaliser des cellules, ils sont capables de récupérer leurs propriétés. Et l'origine des chloroplastes qui font que les plantes vertes font la photosynthèse, c'est tout simplement des bactéries photosynthétiques qui sont incorporées dans la cellule, qui s'y multiplient et qui sont transmises de génération en génération. Finalement, la photosynthèse a été inventée par les plantes juste par réemploi d'une bactérie. Et on y reviendra aussi tout à l'heure, et puis parce que on parlera aussi des mitochondries pour les hétérotrophes. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, là aussi, si on regarde avec un peu de loin, on peut se dire que, comme je le disais tout à l'heure et comme on me l'avait appris au lycée dans mes études de biologie, bon, on a d'un côté des types de cellules type prokaryotes, c'est-à-dire qui n'ont pas de noyau avec de l'ADN flottant dans le milieu cellulaire, et de l'autre côté les eucaryotes. Or, cet arbre à trois branches, il a été un peu réduit dans le sens où, comme vous le disiez tout à l'heure, l'un et l'autre, Romain Attier, les archées, c'est pas aussi clair que ça. C'est-à-dire que la part entrée entre les archées et les eucaryotes, elle a été. Les deux ont été rapprochés, disons. Oui, alors, juste un point, pendant que j'y pense, justement, avant, pendant votre lycée, parce que vous avez fait référence, vous aviez appris donc eucaryote versus prokaryote, et eucaryote possède quelque chose en commun, et prokaryote ne possède pas quelque chose en commun. Et donc, justement, une des révolutions, c'était de classer en fonction de ce que les organismes possèdent en commun et donc qui héritaient d'un même ancêtre commun. Et donc, les prokaryotes ont été éclatés effectivement en nœobactéries et en archées sur la base de phylogène moléculaire, le 16S notamment, 16S, 18S, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'ils possèdent également des caractères propres, notamment les archébactéries possèdent au niveau de leur membrane des composés lipidiques qui leur sont propres, et ils partagent également avec les eucaryotes certaines propriétés, notamment au niveau de la transcription et de la traduction de l'ADN. On va dire que les mécanismes qui permettent le passage de l'ARN messager à la protéine, certains de ces mécanismes-là sont communs au sein des archées et au sein des eucaryotes, et donc il y a des arguments à la fois moléculaire et à la fois fonctionnel, qui permettrait de les rapprocher davantage des eucaryotes, même si, en fonction, bien sûr, des études, c'est ce que disait Marc-André dès le début, c'est vraiment la science et la phylogénie et l'étude de la vie en fait partie, c'est quelque chose en mouvement, et donc ça change aussi souvent. Marc-André Sellos. Et alors, justement, un des mouvements actuellement, c'est que en essayant de reconnaître ou de trouver les organismes dans le milieu, en extrayant l'ADN et en regardant l'ADN de qui se trouve là, on trouve beaucoup plus d'espèces qu'on ne savait en cultiver. Or, autrefois, seule la culture permettait d'identifier et de donner un nom. Et parmi non seulement les nouvelles espèces, mais les nouveaux groupes que l'on trouve. Récemment, il y a des équipes qui ont découvert des groupes d'archées, quoi, en plein de points, mais qui, dans l'arbre du vivant, branche avant les eucaryotes, c'est-à-dire que si vous dessinez dans la tête une fourche menant sur une branche aux archées connues classiquement et aux eucaryotes connus de nous tous, eh bien en fait ces groupes-là divergeaient dans cet arbre généalogique avant la fourche. Ce qui fait que les eucaryotes se retrouvent être au sein d'un buissonnement de groupes d'archées. Les archées d'Asgard ? Exactement. Dites-nous, c'est intéressant cette histoire. C'est des milieux un petit peu extrêmes qui ont été explorés par des chercheurs scandinaves qui du coup ont donné à tous ces groupes des noms de la mythologie scandinave qui nous parlent peu. Moi j'ai du mal à les retenir des fois. Si, c'est Thor, Heimdall. Loki. Oui, il faut être fan de Marvel aussi. Voilà, ou de la mythologie nordique et de Neil Gaiman. Oui, bien sûr. Bah écoutez, il n'y a pas que Marvel dans la vie non plus. ma culture de ce point de vue-là est peut-être boiteuse. En tout cas. Il faut lire Neil Gaiman, la mythologie nordique, c'est passionnant. Je pense qu'en sortant d'ici, il va falloir que je fasse ça pour apprendre mieux mes archées. En tout cas, voilà. Avec ces nouveaux groupes, on voit en fait que les eucaryotes sont dans les archées. Et on est plutôt maintenant sur une vision à deux groupes. Les eubactéries et les archées avec les eucaryotes dedans. Mais vous voyez, ça a changé il y a 5-6 ans, même pas. Et de ce point de vue-là, ça veut dire que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne va pas arrêter de changer puisque c'est un objet scientifique. Il y a de nouvelles connaissances, de nouvelles méthodes. Et avec ça, la vision qu'on a du monde change. Et c'est une bonne nouvelle. C'est pas très pratique pour ceux qui veulent parler simplement et se souvenir, espérer qu'avec leurs études, ils vont vivre 90 ans. C'est pas vrai. C'est moins pratique que ça, c'est assez excitant quoi, parce que découvrir des nouveaux groupes. On est très excité par la complexité. Et justement, un point très important qu'a dit Marc-André, c'est que ces études-là sur l'origine, la diversité des eucaryotes ou même du monde vivant nous fait changer la vision que l'on a du monde. Et notamment, ça remet encore une fois de plus en question la place de l'homme dans l'arbre du vivant, où finalement, si on dessine un arbre, avant on pouvait mettre donc archébactéries. Eucaryotes, archébactéries et eucaryotes dont l'homme. Et là, l'homme, finalement, n'est qu'au milieu de toutes les archébactéries. Et je trouve ça intéressant, cette remise aussi en question de la place de l'homme. Et si on rentre un tout petit poil dans le détail et qu'on cherche justement à complexifier un peu, parce que c'est effectivement assez passionnant, quels sont justement ces points de contact entre ces archées d'Asgard et les eucaryotes? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on les rapproche des eucaryotes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Marc-André Sellos? Alors, on les rapproche déjà parce que quand on étudie leur gène, on voit que dans la généalogie, c'est dans le même groupe et que ce sont des branches qui divergent avant la divergence de la branche eucaryote. Bon, ça, c'est quelque chose qui vient de l'analyse de tous leurs gènes, mais on peut peut-être rappeler la notion d'horloge génétique et d'horloge moléculaire, c'est-à-dire qu'on peut quantifier à peu près l'âge de divergence de souches de... Alors, en théorie, des organismes accumulent des divergences au cours du temps, et donc, plus il y a de divergences, plus l'ancêtre commun est ancien. En réalité, je disais tout à l'heure qu'il y a des fois où le temps sert à faire au contraire à créer de la ressemblance, ce qu'on appelle la convergence évolutive. Ça existe non seulement au niveau de la forme, mais aussi au niveau des gènes. Et de plus, la vitesse d'accumulation des changements n'est pas forcément la même, et Dieu sait ce qu'elle était il y a aussi longtemps. Donc on a du mal, sur des événements aussi anciens, à utiliser ce qu'on appelle l'horloge moléculaire, à mettre des dates. Donc je me garderai d'en mettre là. C'est plus valable, je pense, pour des phénomènes évolutifs plus récents. Mais en revanche, on voit aussi chez ces bactéries-là, chez ces archées-là, on ne peut pas les cultiver, on ne les connaît pas, mais on peut attraper d'autres gènes de ces organismes et voir un peu qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, si j'ose dire. Et quand on attrape ces gènes, on s'aperçoit qu'ils ont un certain nombre de ces protéines qui forment ce que l'on appelle le cytosquelette chez les eucaryotes. C'est-à-dire ces protéines qui ont un rôle d'organisation tridimensionnelle de la cellule et qui notamment permettent de déformer la membrane, de l'invaginer et d'avaler, c'est ce que j'ai tout à l'heure, d'avaler soit des proies, soit des cellules qui vont devenir des composants internes de la cellule. Donc on a chez eux d'autres ressemblances qui sont des ressemblances dans l'architecture fonctionnelle, j'allais dire, de la cellule. Tout ça nous fait remonter à un inconnu, peut-être la plus grande star de tous les inconnus, celui qu'on appelle Luca pour Last Universal Common Ancestor, le plus ancien ancêtre commun universel, c'est ça, le plus ancien ancêtre commun universel, tout à fait, qui du coup, qu'est-ce que ça nous apprend sur ce Luca finalement, le fait que les eucaryotes et les archées pourraient finalement dériver de la même famille, Romain Attier? Qu'est-ce que peut nous apprendre Luca exactement sur cette structure finalement des origines des premières structures monocellulaires? Alors justement, Luca, c'est une reconstruction donc hypothétique justement parce qu'on suppose dans l'état actuel des connaissances que la vie a une origine unique, mais bon, pour le savoir, faudrait trouver de la vie ailleurs dans l'espace pour pouvoir enraciner par exemple l'arbre et dérouler complètement cette histoire de la vie. Donc c'est un ancêtre commun, comme on dit encore une fois, hypothétique que l'on reconstruit à partir des caractéristiques des trois autres grands groupes. Donc, juste dans ce sens-là, c'est plutôt quelque chose qui permet une hypothèse de travail plutôt qu'une réalité tangible. Voilà, on ne recherche pas, Lucas. C'est là aussi ce que peut-être il faut bien expliquer. Ma question n'était pas très claire. J'ai essayé de la reformuler. Non, c'est de ma faute. On est lundi. Ah, là, cette semaine recommence. Il faut se remettre un peu en route. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on pense, Lucas, en tout cas, de l'extérieur, en se disant, voilà, finalement, il y aurait une cellule de laquelle ont émergé toutes les autres. C'est pas du tout ce schéma-là aujourd'hui, Marc-André Sellos, qui prédomine. Il y a eu certainement plusieurs Lucas qui ont donné d'autres formes et qui se sont, certaines ont disparu, certaines se sont retrouvées. J'ai peur, moi, d'être né 3 à 4 milliards d'années trop tard pour répondre à cette question. Mais il faut distinguer l'emballage et l'emballé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des corpuscules qui, très tôt, je pense, ont commencé à se reproduire en se divisant en deux, ce que font les eubactéries, les archébactéries et aussi nos cellules. Hein. Bon. Après, il y a les gènes qui sont à l'intérieur. Historiquement, on avait une vision assez verticale. On se disait, voilà, quand on a un ancêtre commun, les gènes qu'il y avait dedans, c'est les gènes, enfin, je veux dire, les gènes qu'il y a dans les deux descendants descendent des gènes de l'ancêtre commun. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que dans tous les groupes, même le nôtre, il y a des gènes qui se baladent. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un gène qui est récupéré dans le milieu et qui rentre dans le génome alors qu'il a une origine évolutive qui n'a rien à voir avec l'ancêtre de cette cellule. Et dans les mécanismes de diversification des génomes, il y a non seulement le fait que les génomes hérités changent par mutation et par sélection qui vont retenir des variants. Bon, ça c'est une chose, mais ça c'est des gènes hérités. Mais il y a aussi des gènes acquis secondairement. Et par exemple, les eucaryotes, quand on les regarde d'un point de vue génétique, leur machinerie génétique, c'est-à-dire les gènes qui font fonctionner le génome, sont clairement des gènes affines aux archées, mais ils contiennent tout un tas de gènes opérationnels, métaboliques ou de perception du milieu qui, eux, sont des gènes de bactéries. Ça veut dire que l'ancêtre des eucaryotes, il a reçu des gènes de bactéries. Alors, ça veut dire que l'ancestralité au niveau du contenu génétique, elle est multiple. Par contre, les cellules qui se divisent, bon, bah là, on peut reconstituer des filiations. Mais plus on remonte dans le temps, moins on a de chance que l'ancêtre commun contienne une grande partie des gènes qui sont dans ses descendants, parce que ces gènes viendront plus tard dans les lignées qui descendent de cet ancêtre commun. Je ne sais pas si c'est clair, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, l'information génétique, c'est pas héréditaire, ça s'attrape. Romain Nattier, oui. Pour compléter, ce tableau est cassé en fait, cette idée selon laquelle il y a une cellule originelle de laquelle nous sommes tous issus, alors qu'il y a vraisemblablement, effectivement, encore une fois, un arbre, un fourmillement, un buissonnement, et que tout ça s'échange, et que, comme vient de le dire Marc-André Sellos, il n'y a pas juste une verticalité stricte du lignage génétique héréditaire. Alors effectivement, la situation, comme l'a dépeint Marc-André Sellos, est beaucoup plus compliquée, et surtout, ça me fait penser au fait que finalement nous sommes des organismes chimériques. Voilà, alors on va peut-être en parler maintenant ou un petit peu après des endosymbioses, mais effectivement par l'échange de gènes au cours de l'évolution, c'est le moment d'en parler, c'est ça. Du coup, bon, allons-y. Du coup, non, effectivement, nous sommes des organismes chimériques parce que l'on possède à l'intérieur de notre corps différents organites qui sont issus, on va dire, d'autres types d'organismes qu'on en a attrapés au cours de l'évolution, comme l'a dépeint Marc-André. Et on va en reparler, puisqu'on va passer, du coup, on va franchir le pas, on va rajouter un noyau à ces cellules, on va passer chez les eucaryotes, et on va parler précisément de cette endosymbiose dans un instant. Clears, all our fears will disappear. Now you go to bed, I'm staying here. I've got another level that I wanna clear. My skin feels like orange peel. My eyes have been vacuum sealed. My organs move like a squirm of eels. We should be more adventurous away. The sun goes up and the sun goes down. I drag myself like a fool. I can't resist dipping in the pool. I watch them watch me, I watch them too. Across the street, across the room, I dress myself like a charcoal sketch. My eyes are brown and my hair's a mess. They annoy me, they're so employ me. They could destroy me, they should enjoy me. We eat Chinese, our families look for each other in the TV screen. Self du groupe de Servant sur France Culture à 16h30, puisque nous parlons beaucoup de cellules tout au long de cette heure. Nous parlons de la classification du vivant et de sa complexité. Nous en parlons avec Marc-André Sellos, qui est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à l'Université de Gdansk et de Kunming, et avec Romain Nattier, qui est maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle et chercheur au sein du laboratoire de systématique, évolution et biodiversité. Nous avons exploré, on va dire, les branches basses de cet arbre du vivant, de ce buisson du vivant. Ça n'est plus un arbre, on essaie de casser cette verticalité. L'époque est à l'horizontalité, y compris en taxonomie. Donc, on avance un peu, en tout cas, pour nous intéresser aux eucaryotes et à ces fameux règnes que l'on évoquait au début de cette émission. Et donc, parlons-en, Marc-André Sellos, de cette endosymbiose, c'est-à-dire les eucaryotes, eh bien, ce sont finalement des cellules gourmandes, mangeuses, phagocytaires, qui sont des chimères, comme le disait Romain Nattier tout à l'heure, qui ont agréger d'autres organites qui leur ont permis de survivre. Alors effectivement, on a vu une façon de gagner des gènes qui était de rajouter un petit morceau d'ADN portant des gènes dans le génome. Mais chez les eucaryotes, et ça se produit dans tous les groupes, mais chez les eucaryotes, il y a cette particularité que l'on mentionnait, la capacité d'ingérer d'autres cellules, très souvent pour les digérer. Mais dans les cas d'indigestion, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire dans le cas où cette cellule n'est pas digérée, où elle commence à se multiplier à l'intérieur de la cellule hôte, eh bien elle va devenir un composant stable, hérité, et donc son génome va être cohérité avec le génome du noyau de la cellule. On a rajouté les propriétés. Alors, c'est le cas de toutes les lignées d'eucaryotes capables de photosynthèse, qui ont en fait domestiqué, on peut le dire comme ça, une cyanobactérie ou une algue qui elle-même avait, oui parce que ça c'est, il y a eu des bégaiements, hein, une algue qui elle-même avait domestiqué une cyanobactérie, les algues brunes par exemple, leur plaste est une ancienne algue rouge. Plaste pour la photosynthèse. Pardon, excusez-moi, allez-y. Oui, on peut parler chloroplaste. En tout cas, leur place, c'est d'une ancienne algue rouge, et cette algue rouge est capable de photosynthèse parce qu'elle-même, un de ses ancêtres, avait attrapé une cyanobactérie qui lui avait conféré cette possibilité. Et puis surtout, tous les eucaryotes connus, il n'y a pas d'exception connue. Alors j'insiste sur connue, puisqu'on dit depuis tout à l'heure qu'on ne connaît rien et que tout est à connaître. Mais tous les eucaryotes connus contiennent des mitochondries, qui sont des parties de la cellule qui opèrent la respiration. Certains la perdent secondairement, mais ils ne perdent pas la mitochondrie parce qu'elle fait aussi des biosynthèses pour la cellule. Donc c'est une partie de la cellule extrêmement utile. C'est un moteur énergétique de la cellule. C'est un moteur énergétique et une usine à biosynthèse de tas de choses. Eh bien, cette mitochondrie contient de l'ADN et cet ADN a des signatures très claires de ce qu'on appelle des eubactéries. C'est proche des agrobactéries, des rhizobiums. Ce sont des eubactéries. Et en fait, ça veut dire que tous les eucaryotes que nous connaissons descendent d'une symbiose. Ce sont les descendants d'une cellule qui avait incorporé cette mitochondrie qui lui a donné la capacité de respirer. Et les groupes les plus proches des mitochondries, les bactéries les plus proches des mitochondries, sont de façon intéressante des parasites de cellules, comme l'agent du typhus. Les rickettsia, les wolbachia, les ehrlichia, donc sont des bactéries pathogènes pour le coup, mais qui sont intracellulaires aussi. Et on se dit que l'ancêtre commun des mitochondries de ces bactéries devait être déjà fricoté avec des cellules eucaryotes. Pas toujours forcément pour le meilleur, mais... C'est intéressant parce que du coup on voit que par ailleurs ces organismes étrangers qui ont été phagocytés dans un premier temps ont fini par être phagocytés au point tel qu'il y a eu de l'échange génétique et comme on l'évoquait tout à l'heure qu'il a fallu que les cellules soient capables elles-mêmes de produire à nouveau ces organites qu'elles avaient auparavant absorbés. Romain Nattier. Alors c'est pas vraiment de l'échange dans ce cas-là quand on fait un prisonnier et qu'on garde et qu'il y a un syndrome de Stockholm, c'est pas vraiment de l'échange. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'au cours de l'évolution, le fait de pouvoir conserver ces organismes-là a permis d'avoir un avantage sélectif par rapport aux autres. Ces organismes-là étaient capables de produire davantage d'énergie, de faire la photosynthèse, etc., etc. Et petit à petit. Et ça, on le retrouve chez de nombreux parasites. On a une simplification, en fait, de l'organisme qui a été attrapé, avec perte de certaines membranes, perte de certaines fonctions. Et finalement, au cours de l'évolution, on n'est conservé que ces organites que l'on possède tous actuellement. Et alors, on dit aussi, on a essayé de casser la verticalité, on va essayer aussi de casser une autre idée reçue vis-à-vis de l'évolution, c'est qu'on a tendance à penser ou à dire que l'évolution, ça va toujours dans le sens d'une complexification du vivant. C'est pas vrai, l'évolution, c'est aussi perdre. Romain donnait l'exemple de ces bactéries qui, vivant dans une cellule, perdent tout un tas de gènes et de fonctions. D'abord, toutes les fonctions nécessaires à la vie libre, faire une paroi, avoir un flagelle pour se déplacer, mais aussi d'ailleurs perdre des fonctions d'une façon amusante, et ça va nous ramener au transfert de gènes, parce que les gènes correspondants passent dans le noyau de la cellule hôte, et les gènes, la plupart du temps, servent à produire des protéines, et ces protéines vont être produites par la cellule hôte et re-rentrer ensuite dans la mitochondrie ou dans le chloroplaste. Donc ça veut dire qu'on est chimérique aussi, nous, parce que notre noyau a reçu des gènes de nos mitochondries, et si je suis une plante, aussi de mes chloroplastes. Alors, voilà un exemple d'évolution qu'on va dire régressive. Il y en a d'autres. Pensez aux levures. Bon, les levures sont des champignons unicellulaires, du groupe des ascomycètes, par exemple. Par exemple, la levure de bière. Mais cette unicellularité dans ces groupes-là, on le sait bien quand on regarde justement leur position dans l'arbre phylogénétique, les ancêtres sont des ancêtres à filaments, comme la plupart des champignons qu'on a sur le camembert ou le champignon de Paris. Ce sont des organismes filamenteux. Et donc là, la perte de la pluricellularité, c'est une perte, c'est secondaire. Alors que par ailleurs, on a des organismes qui sont unicellulaires parce que ça a été sans doute l'état premier du vivant. Donc, et ça, pour le coup, ça nous enseigne non seulement qu'il peut y avoir des simplifications, mais que l'évolution convergente comporte aussi un autre volet, qui est la convergence avec les ancêtres. C'est-à-dire qu'au cours du temps, vous pouvez vous mettre à re-ressembler à vos ancêtres plutôt que d'en diverger et d'accumuler des différences avec eux. Le retour à l'unicellularité est exemplaire de ce point de vue. Peut-être peut-on, du coup, on a tendance à dire que maintenant qu'on est sorti, où on a vu que toutes ces frontières étaient un peu brouillées, on en revient à la conception initiale des grandes familles, de ces grandes familles dans le domaine des eucaryotes, et vous le dites, on a l'impression d'entendre, en tout cas dans ce que vous dites, que c'est assez finalement relativement simple. On a des chloroplastes chez ce qui est des végétaux, on a des mitochondries chez les hétérotrophes, c'est-à-dire chez les autres. Romain Lattier. Oui, alors, reste à savoir ce qu'on appelle végétaux. Parce qu'effectivement, si on parle, si on définit un végétal comme un organisme qui possède des chloroplastes, là, on se rend bien compte, encore une fois, lorsqu'on explore la phylogénie et l'arbre du vivant, que la situation, elle est de nouveau très compliquée, parce que ces organismes-là sont dispersés dans beaucoup de branches. Alors, il se trouve qu'il y a un des groupes qui a connu un succès évolutif certain, et c'est celui qu'on connaît le plus, ce sont la lignée verte, les plantées, lignée verte, dont qui ont comme principale caractéristique le fait d'avoir une endosymbiose primaire, donc la première endosymbiose, avec une cyanobactérie et de produire un certain type de chlorophylle. Mais on a beaucoup d'autres organismes, notamment chez les eucaryotes unicellulaires, qui possèdent également de la chlorophylle. Marc-André Sellos. Alors ils le possèdent parce que souvent ils ont récupéré une algue de la lignée verte. On peut citer deux exemples. J'évoquais tout à l'heure les algues brunes qui font la photosynthèse parce qu'elles ont récupéré en endosymbiose une algue rouge. On a des petites algues comme les euglaines qui sont très utilisées dans les salles de travaux pratiques, qui sont des petites algues unicellulaires, du plancton, qui sont très vertes, vert salade. Et tout simplement, leur chloroplaste, c'est une ancienne algue verte. Donc il y a 4, 5, 6, c'est dur à dire aujourd'hui. Mais il y a de très nombreuses fois dans l'évolution où il y a des plastes d'occasion, si j'ose dire, de seconde main, qui sont acquis par des lignées qui deviennent chlorophylliennes. Et ça, c'est une évolution convergente. Alors, derrière ça, il y a une grande diversification, effectivement, un grand nombre de lignées qui se mettent à fonctionner pareil. Mais c'est plus compliqué parce que, en fait, quand on regarde dans le microscopique, ces organismes qui ont été capables d'acquérir une cyanobactérie ou une algue, certains d'entre eux gardent la capacité d'avaler des proies. Je le mentionnais au début. Et aujourd'hui, dans le plancton, on s'aperçoit que la plupart des lignées d'algues planctoniques sont ce qu'on appelle mixotrophes, c'est-à-dire que d'un côté elles font la photosynthèse, mais de l'autre côté, et notamment quand elles sont à l'ombre, ou quand elles manquent d'azote ou de phosphate, elles avalent des proies qu'elles digèrent. Donc de ce point de vue-là, elles ne sont ni complètement autotrophes, ni complètement hétérotrophes. Cette opposition-là est aussi une opposition visible dans le macroscopique, évidente dans le macroscopique, qui est complètement vaine et inexistante dans le microscopique, on peut être à voile et à vapeur, si j'ose dire. Si vous pensez par exemple à ce qu'on appelle les plantes carnivores, c'est ça? Alors oui, mais là je pensais à des petites algues unicellulaires, ouais. Capables de... Vous m'emmenez dans le macroscopique, donc moi tout de suite je réagis comme le béotien que je suis, vous savez. Ça ou un certain nombre de plantes des milieux terrestres qu'étudie mon équipe, qui sont associées au niveau de leurs racines à des champignons, et en fait... La plupart du temps, ces champignons leur amènent des sels minéraux du sol. Bon, elles les payent en sucre. Mais moi, je connais des espèces sur lesquelles nous travaillons qui boulottent leurs champignons. C'est-à-dire que non seulement elles en extraient des sels minéraux, mais aussi du carbone, des sucres. Alors, elles sont aussi photosynthétiques par ailleurs, mais ce n'est pas l'intégralité de la matière organique qu'elles vont obtenir qui vient de là. Elles sont aussi, en quelque sorte, parasites de ces champignons. Elles sont aussi mixotrophes. Ça, on a mis du temps à le découvrir parce que ce n'était pas écrit dessus. On les pensait photosynthétiques, purement photosynthétiques. Il y a des choses qui sont à mi-chemin entre hétérotrophie et autotrophie. Et alors quand on a un microscope, on peut aller regarder et voir, découvrir la complexité, c'est une chose. Mais que se passe-t-il quand on n'a que des fossiles sous les yeux? C'est toute la question que nous avons voulu tâcher de résoudre pour remonter à l'origine justement de la complexité de cet arbre phylogénétique du vivant. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé vous faire ouvrir quelques nouveaux tiroirs au Muséum National d'Histoire Naturelle. Oui, c'est de Jean-Paul Saint-Martin qui est paléontologue. Il est également chargé de collection fossiles au Muséum. Alors lui, il a étudié Dickinson. Sonia, vous savez, ce fossile primitif de métazoaire qui a beaucoup modifié l'image qu'on se faisait de ce groupe-là. Ses travaux plus récemment ont porté sur la période édiacarienne, à l'ère du précambrien. Et avec sa femme, qui est également paléontologue, ils ont retrouvé des fossiles de métazoaire aux aspects étranges, en forme de feuilles ou de tubes, dans des gisements en Roumanie. Là, on est en présent, j'ai réuni un certain nombre de fossiles qui caractérisent une période charnière dans l'histoire de la vie sur Terre. C'est ce qu'on appelle les diacariens. C'est une période où on a des macro-organismes et ces organismes ne sont pas réellement par la suite représentés. Et après cette vie édiacarienne, entre 600, 540 millions d'années, après au Cambrien, on a des organismes, des macro-organismes, c'est l'explosion dite cambrienne, mais des invertébrés surtout. Alors quel est l'enracinement phylogénétique de la faune qui va venir au Cambrien par rapport à cette communauté d'organismes et qui est le problème général, je crois, de tout paléontologue? Tous ces organismes fossiles, on ne sait pas les placer sur l'arbre du vivant? Difficilement, en tout cas. On essaye, mais difficilement. Quelles sont les caractéristiques de ces fossiles? Est-ce qu'ils partagent plus de caractéristiques? Est-ce qu'ils sont eucaryotes? Est-ce qu'ils sont... Alors, on les suppose eucaryotes, mais pour définir un statut eucaryote, il faut avoir accès aux cellules aussi. Est-ce qu'on a accès aux cellules à travers un matériel fossile? Ça, c'est une bonne question. D'où proviennent tous ces fossiles de régions très différentes? Alors, donc, on a des fossiles qui ont été d'abord décrits en Australie. C'est le fameux Dickinsonia. Et puis, vous voyez d'autres organismes qui ressemblent à des vers. On dirait des empreintes, en fait, figées en surface. Et ce sont des empreintes. Voilà. Et ce sont des impressions, finalement. Et nous, on va avoir une impression sur l'impression. On va avoir l'impression que ça ressemble à un ver, par exemple. Et on va l'assimiler à un ver. C'est ce qu'on a fait. Très vite. Alors, donc, on était en Australie. Il y a quelques éléments comme celui-ci. Quel type de roche, juste pour... Ce sont des grès, des sables consolidés, on va dire ça. Et puis, ici, ce sont des exemplaires qui viennent d'Angleterre. Et puis, on a des exemplaires qui viennent de Roumanie. Et donc, c'est un peu le sens de nos recherches à nous. On a été amené à s'intéresser à des traces, des empreintes, comme vous le voyez. Celle-ci, celle-ci, celle-ci, alors, celle-ci, ces fossiles-là sont un peu différents de... Ils sont un peu différents, mais ils sont apparentés à tout ce qu'on trouve à travers le monde. Et ici, j'ai apporté quelques échantillons qui proviennent de Terre-Neuve, du Canada. Et on en revient à un problème essentiel. Vous regardez celui-ci. Donc, Vous pouvez peut-être, vous, le décrire dans un premier temps. Alors, il ressemble à une feuille. Mais... Voilà, vous avez prononcé le mot. Donc, le problème de ces organismes plats, ils n'ont pas de squelette externe ni interne. Et certains, comme ceux-ci, se présentent sous l'aspect d'une feuille. Donc, il a été très difficile, il est toujours très difficile de rapporter ça à des groupes d'organismes connus actuellement. Sur l'étude de ces fossiles-là, est-ce que vous avez pu apporter des éléments pour essayer d'apporter plus de critères qui pourraient déterminer une éventuelle divergence entre les métazoaires et le reste des organismes? Le premier problème, en fait, le plus simple, c'est de définir que c'est organique. C'est un fossile ou c'est pas un fossile? Premier point. Quand on voit ça, on peut se poser la question. Bon, on a déterminé que c'est un fossile. Maintenant, est-ce que c'est un fossile qui se rapporte à des métazoaires, qui se rapporte, alors j'emploie le vieux terme, le monde végétal, ou est-ce qu'on est dans du microbien? Et la question se pose d'autant plus que pour ces organismes que vous voyez là, la question s'est posée. Au tout début, on en a fait des métazoaires, c'était vraiment la première impression que tout le monde a eue, soit des méduses, soit ici d'anémones de mer. Donc on était vraiment ancré dans les animaux, enfin dans les métazoaires. Donc ça, c'est des prélèvements rapportés de Roumanie. Voilà. En fait, ce sont des reproductions. Donc on fait un moulage en silicone sur le terrain et après on reproduit la dalpe. Et là, on a un autre problème, c'est qu'on est en présence de roches qui ont subi ce qu'on appelle du métamorphisme, c'est-à-dire des conditions de température, d'enfouissement, de pression qui ont altéré la nature minéralogique originelle et donc, évidemment, l'observation qu'on peut avoir des organismes. Donc, cela dit, on arrive à voir, là, vous voyez une sorte de disque. Donc, dans les années fin du 20e, on aurait dit, bon, ça, c'est une méduse. Maintenant, on sait que ce ne sont pas des méduses, mais des sortes de crampons qui ancraient des organismes en forme de feuilles dont vous voyez l'empreinte ici, et qui correspondent à ce qu'on a vu. À ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, soit vous avez ça sans le crampon, donc une forme de feuille, soit vous avez le crampon, la plupart du temps, sans le fossile lui-même. Donc vous voyez la difficulté du paléontologue qui a créé des tas d'espèces différentes, donc qui a classé ces choses-là à un moment donné, alors qu'il ne s'agissait que d'un élément d'un organisme plus développé, on va dire. La solitude du paléontologue qui cherche à classer ses fossiles sans avoir accès à l'échelle cellulaire. Qu'en pensez-vous, Marc-André Sellos, Romain Nattier? C'est vrai qu'il y a des groupes fossiles qu'on ne sait pas très bien classer parce qu'ils n'ont pas de ressemblance qui attrape l'attention, et puis de toute façon on n'a plus d'ADN. Or aujourd'hui, l'ADN est vraiment une aide pour comparer les organismes et regarder leur proximité évolutive, ou au contraire le temps qui les sépare. En fait, je voudrais juste parler d'un groupe d'organismes qui, moi, me fascine, qui est un groupe d'organismes qui a entre 4 et 500 millions d'années, qui a été sur Terre pendant les tout premiers végétaux terrestres, et avant que les végétaux terrestres tels que nous les connaissons soient vraiment des arbres, c'est les Prototaxites. Alors, c'est pas trop connu du public, il y en a de toutes les tailles, hein. Il y en a qui peuvent atteindre 8-10 mètres d'eau. Donc c'était pas rien à l'époque dans le paysage, hein. La structure microscopique ne renseigne absolument pas, il y a des gros tubes et des petits tubes. Moi je fais partie des gens qui ont osé l'hypothèse que ce soit des associations entre des champignons et des algues, des sortes de lichens géants. En fait, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là, mais on ne sait absolument pas à quoi les rapporter. Et c'est un vrai mystère, parce qu'ils ont couvert le globe pendant 100 millions d'années. On va essayer de trouver des illustrations ou des liens pour vous mettre sur le fil Twitter de l'émission. J'aimerais que tout de même, parce que dans cet arbre phylogénétique des eucaryotes, Marc-André Sellos, vous avez, alors j'ai dans les mains, on va essayer aussi de vous le mettre sur le fil Twitter, un arbre phylogénétique, alors qui est un arbre sans racines, avec plusieurs feuilles, différentes couleurs, et où on est complètement perdu. Qu'est-ce que c'est que cet arbre que vous avez produit? Oui, je précise que aussi cette tentative d'explication perd ses lecteurs, c'est ça? Pas du tout. Non, mais je tiens à préciser que quand on parle de métazoaire, on parle a priori de ce qu'on appelait avant animalia, c'est-à-dire le domaine animal. Alors, au sein des eucaryotes, on a tendance à distinguer 8, 9, 10 grands groupes, pour des raisons de facilité, on aurait pu les tailler autrement. Hein. Alors, il y a les animaux métazoaires. Le groupe immédiatement frère des animaux, c'est une partie des champignons. Romain disait tout à l'heure que les champignons, c'est des organismes filamenteux qui sont apparus à plusieurs reprises dans l'évolution. Mais l'essentiel, les lignées de champignons, c'est un groupe frère des animaux. Les eumycètes. Les eumycètes sont nos plus proches parents. Il y a là les morilles, les truffes, les cèpes et les moisissures du fromage. Le groupe immédiatement voisin, ce sont des amibes, parfois géantes. Il y a notamment les myxomycètes dans ce grand groupe qui est les amibozoaires. Voilà déjà trois groupes. Après, il y a un autre groupe dont on parlait tout à l'heure, c'est les lignées vertes. Qui sont les plantaées, les plantes telles qu'on les connaît. Les aussi, oui. Dont l'ancêtre, en fait, a acquis une cyanobactérie. Bon, après, il y a plein d'autres groupes. Je voudrais juste en citer deux. Il y a un groupe où on trouve les algues brunes et un autre groupe de champignons qu'on appelle les oomycètes, notamment les agents du mildiou. Et dans ce groupe, on a aussi des petites algues unicellulaires, les diatomées, qui sont complètement inconnus du public, mais si vous brossez les dents tous les jours, vous en avez une fois par jour dans la bouche, puisque les squelettes de diatomées mortes forment des roches qu'on utilise comme abrasifs, et notamment on en met dans le dentifrice. Dans le dentifrice, c'est écrit silice, elles sont là. Et alors vous voyez, ça c'est un détail tout bête, mais c'est un groupe complètement pas connu, mais n'empêche que dans les applications, on finit par le retrouver. Donc ça, c'est le grand groupe des hétérocontes, ou straménopiles, algues brunes, diatomées, photosynthétiques, et puis des parasites, les oomycètes. Allez, un dernier, c'est les alvéolobiontes. Alors, ceux-là, ils sont assez amusants parce que c'est vraiment un catalogue à la Prévert. Hein. Dans les alvéolobiontes, on a des petites algues planctoniques, les dinoflagellés, responsables d'interdiction de consommation de coquillages en été, parce que certaines sont toxiques. On a les ciliés, comme les paramécies, qui sont, eux, des prédateurs d'autres organismes. Et puis, on a des maladies, des agents pathogènes, comme l'agent de la malaria, par exemple, qui vivent dans les cellules d'autres organismes. Donc, comme l'agent de la malaria, par exemple, ou l'agent de la toxoplasmose. Ils n'ont rien à voir à première vue, ils n'ont pas grand-chose en commun morphologiquement ni dans leur mode de vie, mais il faut bien comprendre, c'est un petit peu comme dans cet autre groupe où il y a des algues et des oomycètes, hein, que ces groupes évoluent depuis tellement longtemps que leurs membres ont exploré des voies évolutives très variées. Mais qu'est-ce qui vous permet justement de structurer cet arbre dont on va tenter, je pense que Noémie Naguet est en train de transpirer à grosses gouttes pour essayer d'en trouver une illustration, pour pouvoir la poster sur le Twitter de la méthode scientifique, ces branches, quels sont les points communs? En fait, ce sont des points communs stricto sensu génétiques, c'est-à-dire qu'on retrouve. Disons que tous les membres qui sont à l'intérieur ont une relation de parenté plus forte pour l'essentiel de leurs gènes. On oublie tous les gènes qui ont été acquis par transfert horizontal, hein, mais pour l'essentiel de leurs gènes, ils montrent une grande parenté, en fait. Et ces groupes, ils sont coupés dans l'arbre du vivant, j'allais dire à la tronçonneuse, quoi. C'est comme quand vous taillez votre haie au sécateur. Vous dites, bon voilà, je vais tailler à ce niveau-là, il y a des branches qui tombent. Donc c'est des groupes qui sont un petit peu, comment dire, définis arbitrairement. On aurait pu en regrouper deux. Et d'ailleurs, si vous regardez des classifications plus récentes, il arrive que deux de ces groupes aient été regroupés dans un autre avec un nouveau nom. C'est un petit peu des désignations arbitraires pour découper en un nombre limité de sous-groupes la diversité des eucaryotes. C'est la question que je vous pose, c'est parce que je me retourne vers Romain Nattier, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de très contre-instinctif, à l'idée de se dire que le groupe des métazoaires, à savoir donc entre autres les animaliers, etc., est plus proche des eumycètes que des protozoaires, qui sont pourtant d'autres eucaryotes dont on pensait qu'ils faisaient partie de ce grand règne animal que l'on avait défini selon l'ancienne nomenclature. Oui, justement, et c'est pour ça que pendant longtemps dans l'histoire de la classification et de l'évolution qui est beaucoup plus récente, on les a regroupés finalement ensemble, et ce n'est que récemment, principalement sur la base de phylogénie moléculaire, qu'on a séparé, distingué donc les principaux groupes dont vous faites référence. Et effectivement, l'esprit humain a besoin de catégoriser aussi. Alors, tout d'abord, c'est un aspect pratique, hein, parce que quand on parle de tel groupe qui possède des parasites, etc., c'est plus facile pour discuter, mais la classification également change en fonction des résultats de la phylogénie moléculaire, des méthodes utilisées. Donc cet arbre, ce buisson du vivant, et notamment celui des eucaryotes, change de jour en jour. Voilà, et on vient de retrouver cet arbre qu'on a mis sur notre fil Twitter. J'aimerais qu'on redise un mot dans les quelques minutes, peut-être pour conclure. Aujourd'hui, on sait qu'il existe certains animaux, ce sont des cas rares, mais certains animaux photosynthétiques. Vous l'avez dit, Marc-André Sellos, des végétaux hétérotrophes ou mixotrophes. Ça veut dire que Alors, et de la même façon, effectivement, que certains ancêtres des plantes ou des algues brunes ont avalé sans la digérer une cellule qui leur amenait la photosynthèse, certains animaux, aujourd'hui, adoptent des algues et soit ils les adoptent à chaque génération, à chaque naissance, soit même elles sont transmises par les cellules maternelles, par les ovules maternels. Et c'est le cas en particulier des coraux et de pas mal d'organismes du groupe, donc où sont les coraux, le groupe des cnidaires, où bah, ils sont capables de photosynthèse. Et c'est pas pour rien qu'ensuite, morphologiquement, ils ressemblent à des plantes, parce que leur partie se dispose au soleil, à la façon dont sont disposées au soleil les feuilles des plantes. Donc avec les coraux, mais aussi avec un certain nombre d'autres organismes, je pense notamment à un certain nombre de vers plats, les syncytiophora en l'occurrence, qui sont très étudiés à la station biologique de Roscoff, on a des organismes que moi j'ai envie d'appeler des plantes animaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils commencent à devenir plutôt photosynthétique et a cessé de se nourrir de proie. C'est-à-dire qu'au sein même des animaux, cette tendance à une évolution convergente vers l'acquisition de la photosynthèse se manifeste également. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui complètement oublier l'idée d'un ancêtre commun entre Plantae et Animalia, que tout ça n'a plus de sens, qu'il faut vraiment penser cette évolution comme un buisson avec vraiment différentes ramifications. Romain Latier. Oui, alors un ancêtre commun, on en a toujours un, au moins au sein des eucaryotes dans l'état actuel de nos connaissances. Mais voilà, actuellement, il faut vraiment penser l'évolution des eucaryotes en termes de buissons, en termes d'échanges également, et ne plus considérer que les organismes évoluent tout seuls dans leur coin, qu'il y a davantage d'échanges entre eux, et je trouve ça assez fascinant. J'ai trouvé, pour conclure, un cas particulier de certaines anémones de mer, Marc-André Sellos, qui possède un gène qui est normalement essentiel à la synthèse des micro-ARN de plantes, donc qui pourrait être une forme ancienne tout de même dans cet être commun, où c'est vraiment moi, ma vie anthropocentrée qu'il faut que j'abandonne. C'est sûr qu'on attrape des ressemblances par l'ancêtre commun, effectivement, par l'existence d'un ancêtre commun récent, ou en attrapant des gènes dehors. Ça c'est certain. Bon, mais pour parler deux secondes de ce buisson, moi, ce qui me frustre extrêmement, c'est que nous sommes, la biologie, c'est l'histoire des gagnants. Et il nous manque, vous parliez tout à l'heure d'un arbre vivant. Reprenons deux secondes l'histoire de l'arbre. Un arbre, c'est quelque chose qui a été élagué, il manque les branches du bas. Et d'ailleurs, des fois, on les retrouve, parce qu'on retrouve ces fossiles comme les Ediacariens ou les Prototaxites. On sait que c'est une branche qui est tombée de l'arbre, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle était exactement. Moi, ce qui me frustre extrêmement, c'est toute cette diversité perdue, qu'on ne verra jamais, et dont les fossiles ne nous donnent qu'un pâle reflet, et surtout pas la place évolutive. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marc-André Sellos, d'être venu nous parler de cette diversité des règnes et de la classification du vivant. Je rappelle, jamais seul, c'est microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. C'est aux éditions Actes Sud. Merci aussi à vous, Romain Natier, d'être venu nous parler de tout cela. Vous pouvez évidemment, comme chaque jour, retrouver cette émission sur votre application de podcast préférée ou sur le site de France Culture, franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Céline Lezen et Léonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, nous aurons le plaisir et l'honneur de nous entretenir une heure durant avec le physicien Jean-Pierre Luminet. Il sera question de trous noirs, de paradoxes de l'information et de cosmologie quantique. Et puis, c'est une semaine de grand luxe que nous vous préparons, puisque vous pouvez d'ores et déjà noter dans votre agenda la date de vendredi, mettez une petite croix rouge pour être bien sûr soit d'être à l'antenne, soit de podcaster cette émission, puisque nous aurons le privilège, une émission très spéciale, le privilège d'avoir un invité exceptionnel, une personnalité très très rare dans les médias. On va garder encore un petit peu le suspense, mais gardez quand même une petite croix dans votre agenda, vendredi ça va valoir le coup. En attendant, on se retrouve demain à 16h avec Jean-Pierre Luminet, jusqu'à preuve du contraire.